Finissez mon joint sans m'y faire, à l'époque le Clio 3 faisait que des abos. J'suis sorti à 20h, à 8h désespéré, maman cherche partout. J'rentrais la semaine d'après, refais de la tête aux pieds. Cellophane sur mon cœur comme sur tous mes billets. Préparé au cas où ça tourne mal, j'ai garé le gamo, ça venait des champs. Préparé au cas où ça tourne mal, j'ai garé le gamo, ça venait des champs. Un bisou, une cala et j'vais dormir, j'suis paro, j'la nettoie et j'roule un petit. Des bisous à la galactique, j'suis paro, j'la nettoie et j'roule un one. J'connais bien les pirates, j'connais la mer, j'connais bien la BR, j'connais bien le nord. J'connais bien la BR, j'connais bien le nord, la chimique de mes dents. Ok, je suis banalisé, piste et analysé, personne va t'indiquer le chemin pour nous niquer, tu sais. J'ai mon index sur le prolique, je suis dans l'audi dans le 3 litres. Les fils de pute sont en panique, j'envoie la coke comme Napolitain. Mon nom écrit en italique, sur le navire du Titanic. Mais c'est la plus belle des hispaniques, à la fin il n'en restera qu'un. Les fils de pute non déclarés, font croire que tout est carré. T'inquiète, tu es préparé, n'as pas le temps de boire ton café. Tu le sais, ok chef dans la cité, pas besoin de publicité. Personne va nous niquer, qui va se faire allumer. Tu le sais. C'est mon joint sans m'y faire, à l'époque le Clio 3 faisait que des abos. J'suis sorti à 20h, à 8h désespéré, maman me cherche partout. J'entrais la semaine d'après, refais de la tête aux pieds. Cellophane sur mon cœur comme sur tous mes billets. C'est mon joint sans m'y faire, à l'époque le Clio 3 faisait que des abos. J'suis sorti à 20h, à 8h désespéré, maman me cherche partout. J'entrais la semaine d'après, refais de la tête aux pieds. Cellophane sur mon cœur comme sur tous mes billets. De l'or, des poissons, de quoi remplir tous mes sacs et se casser, sans penser aux conséquences. Des kilos de péché dans le casier, si on t'a raté, c'est la chance. La prochaine, c'est sur un pas de danse. Combien de bonhommes pour nous se sont déplacés? La juge nous prive de nos gosses, qu'on parle que je peux les enlacer. Ces fils de pitié nous prennent même nos lacets. Et là, c'est grave, faut que je fasse hommage. Je crame et moi, alors pas à moi, et je tourne la page. Petit frère fait bel écho au piège. Le plus important, c'est le prix de touche. Faut compter les billets, couleur pistache. Y'a pas d'âge, les max casque ouvre en balade. Laisse-les parler de Wam. Je m'endors avec une putain devant la télé. Je donne pas mon cœur ni même une poignée d'euros. J'ai mon putain caché qui n'est pas déclaré. Et quelques bons amis qui savent trouver le dos. Que du Sahel, que du précis. Toujours prié dans la Tessie. Tony Montana, Joe Pesci. On a du niquer des mères pour du Versace dans le dressing. Finissez mon joint sans m'y faire. À l'époque, le Clio 3 faisait que des abos. J'suis sorti à 20h, à 8h désespéré. Maman me cherche partout. J'entrais la semaine d'après. Refais de la tête aux pieds. Cellophane sur mon cœur comme sur tous mes billets. Finissez mon joint sans m'y faire. À l'époque, le Clio 3 faisait que des abos. J'suis sorti à 20h, à 8h désespéré. Maman me cherche partout. J'entrais la semaine d'après. Refais de la tête aux pieds. Cellophane sur mon cœur comme sur tous.